Depuis le début des vaccinations anti-Covid, le taux des troubles menstruels explose chez les femmes. Septièmement, embolie pulmonaire, plus 477%. Il est clair que les vaccins de Pfizer et Moderna provoquent des myocardites. Le capitaine Olaf Scholz ne pourra bientôt plus affirmer au Bundestag « Tout s'est bien passé avec les vaccins ». Les chiffres et les faits le démontrent sans équivoque. Un scandale du anti-Covid Vaccine Gate est en vue. Mais qui va en informer les médecins? Bonjour, c'est Klaus de Franconi. L'élément déclencheur de cette vidéo est une prise de position récente du docteur Zoukhari Baghdi au sujet des vaccinations actuelles contre le Covid. Je dois dire en préambule que le professeur Baghdi a reçu les distinctions médicales les plus hautes presque chaque année et a même reçu en 2005 l'ordre du mérite du Land de Rhénanie-Palatinat. Il bénéficie d'une excellente renommée mondiale. Ce qu'il dit a donc du poids. Et ce qu'il a dit dans cette vidéo m'a coupé le souffle. Il a en effet rapporté que le professeur Arne Burkhardt, l'un des pathologistes les plus expérimentés d'Europe, a effectué environ 70 autopsies sur des personnes décédées après avoir été vaccinées contre la maladie Covid-19. Les autorités n'ont pu établir aucun lien avec la vaccination. Mais Burkhardt a pu apporter la preuve, dans 90% des cas, que les vaccins attaquent notre système immunitaire, de sorte qu'une attaque auto-immune par des lymphocytes tueurs s'est produite sur les organes, comme le cœur et les poumons. En raison de l'affaiblissement du système immunitaire, Baghdi a prédit, entre autres, une explosion du nombre de cancers et de tumeurs chez les personnes vaccinées. Vous savez, je n'avais qu'une seule question en tête. Et si le docteur Baghdi avait effectivement raison? Les vaccins fortement vantés, que les médias et les politiques ont promus comme un mantra depuis des mois, comme étant la seule issue à la crise, détruisent-ils notre système immunitaire? Cela éclipserait de loin le scandale de la thalidomide. Pardon, nous nous sommes malheureusement trompés sur ces vaccins. Ressentez-vous le côté explosif de ces déclarations? J'étais sous le choc. Il n'y aurait pas de mots pour décrire l'ampleur de cette catastrophe. Le cri d'alarme de Baghdi peut-il être justifié par des chiffres officiels? J'ai l'impression que la politique est comme un bulldozer qui écrase tous les panneaux « Stop » dans une grande ville. Je voudrais citer quelques-uns de ces panneaux « Stop » de manière très concrète. Premier stop, effet indésirable grave après la vaccination, suivi d'une hospitalisation. Ce graphique a été réalisé à partir des données de facturation des caisses d'assurance maladie. Vous voyez les lignes jaunes qui montrent le nombre de vaccinations et les lignes bleues, le nombre d'hospitalisations. Depuis le début des vaccinations anti-Covid, les hospitalisations explosent. Deuxième stop. Troubles menstruels chez les femmes après la vaccination. Ce graphique est basé sur les chiffres officiels de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments. Il commence en 2003. Et vous voyez que nous n'avons quasiment aucun excès. Depuis le début des vaccinations anti-Covid, le taux des troubles menstruels explose chez les femmes. Encore une note importante. Des dossiers d'études cliniques que Pfizer a dû publier sous la pression des tribunaux révèlent que presque toutes les femmes enceintes vaccinées ont perdu leur enfant. Troisième stop. Péricardite, myocardite après vaccination. Péricardite. Ce graphique est aussi basé sur les chiffres officiels de l'EMA. Ici, vous pouvez également voir que depuis le début des vaccinations anti-Covid, les chiffres explosent. Je voudrais également montrer dans ce graphique la myocardite. Ça, c'est la myocardite. Vous voyez exactement la même chose. Depuis le début des vaccinations anti-Covid, les myocardites explosent. Le docteur Peter McKillow confirme devant le Sénat américain, il est clair que les vaccins de Pfizer et de Moderna provoquent des myocardites. Le CDC et la FDA l'admettent également. Une myocardite multiplie par deux le risque d'un infarctus du myocarde en l'espace de 5 ans. Quatrième stop. Déclaration de décès d'adulte après vaccination. Ce graphique est basé sur les chiffres officiels de l'Institut Paul Ehrlich. Ici, vous voyez le nombre de décès déclarés au PEI sur une période de 20 ans. Il s'agissait d'environ 10 déclarations par an pour toutes les vaccinations avant le début des vaccinations anti-Covid. En raison de l'augmentation du taux de vaccination, on s'attendrait maintenant à environ 80 décès annuels. Mais après 9 mois seulement, le PEI signale déjà un nombre incroyable de 1802 décès. Ce qui me choque, c'est que cette autorité balaye tout cela d'un revers de main en les qualifiant de cas douteux et ne va pas vraiment au fond des choses. Il s'agissait donc aussi de cas douteux auparavant. Mais qui peut expliquer cette augmentation incroyable de 24 000% de ces prétendus cas douteux sans tenir compte des cas non recensés? Selon les experts, 5% maximum de tous les cas sont réellement déclarés. Ainsi, si l'on tient compte du nombre de cas non déclarés, on arrive à près de 50 000 déclarations de décès liées au vaccin anti-Covid. Il faudrait montrer encore beaucoup, beaucoup plus de tels stops, mais cela ferait tout simplement exploser la vidéo. Par exemple, le scandale des lots de vaccins anti-Covid. Presque tous les décès et effets secondaires signalés sont causés par seulement 5% environ des lots produits. Ou encore un point que je ne veux qu'effleurer. Le fait qu'il est possible de détecter des impuretés très dangereuses sur des clichés microscopiques ordinaires. C'est expliqué par Holger Reisner et tout le monde peut s'en rendre compte. N'importe quel médecin peut examiner lui-même le vaccin au microscope, etc., etc. Les responsables politiques écrasent tout simplement ces panneaux stop l'un après l'autre et ils continuent encore et encore. La conclusion, il y a quelque chose de grave qui ne va pas avec cette vaccination tant vanté et répété comme un mantra par les médias et la politique. Le cri d'alarme du professeur Bagdi peut donc être étayé par des chiffres officiels choquants. C'est pourquoi il déclare « Les faits sont sur la table. Il n'y a plus rien à discuter. » Il s'agit donc, contrairement à toutes les affirmations, d'une catastrophe vaccinale, d'un seul désastre vaccinal. Mais que les rapports publics ne reflètent pas du tout. Et l'un ou l'autre pense alors « Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Je n'ai fait que me référer aux chiffres des plus hautes autorités, des autorités de l'État. Les vaccins COVID-19 n'ont rien à voir avec les vaccins traditionnels tels que nous les connaissions avant le COVID-19. C'est ce qu'ont montré mes graphiques. Le directeur du groupe Bayer, Stefan Ulrich, l'a reconnu ouvertement lors du congrès du World Health Summit. Il s'agit, je cite maintenant textuellement, d'une thérapie génique cellulaire. Il n'est plus nécessaire de le nier. Il a ajouté que 95% des gens n'auraient jamais accepté ce prétendu vaccin sans cette pandémie. Et j'ajouterai, entre parenthèses, sans cette panique constamment entretenue, cette pression exercée de manière insupportable sur les gens pour qu'ils se fassent vacciner. Sur la base de ces chiffres et de ces faits, une comparaison avec le naufrage du Titanic décrit pour moi la situation de manière extrêmement précise. À l'heure actuelle, l'orchestre de ce prétendu navire de sauvetage de la vaccination joue encore avec entrain la musique des salutaires vaccins COVID-19. Mais le navire a pris l'eau depuis longtemps et est inévitablement voué au naufrage. L'explosion des dommages liés à la vaccination ne pourra pas être balayée sous le pont du navire encore longtemps. Le capitaine Olaf Scholz ne pourra bientôt plus affirmer au Bundestag que « tout s'est bien passé avec les vaccins ». Les chiffres et les faits le démontrent clairement. L'expérience génétique de masse irresponsable, qu'il reconnaît lui-même indirectement par ces mots, a lamentablement échoué. C'est la réalité. Et c'est pourquoi un scandale du COVID-19 Vaccinegate arrivera inévitablement. Et ce que je veux dire par scandale du COVID-19 Vaccinegate, c'est une comparaison avec l'affaire du Dieselgate, où les choses sont révélées d'un coup. Il y aura un scandale du COVID-19 Vaccinegate. Le vent a tourné et vient soudain d'une toute autre direction. Des messages comme celui-ci seront à l'ordre du jour, à savoir que des faits choquants concernant des effets secondaires suite à des traitements génétiques COVID-19 chez des militaires américains ont récemment été abordés ouvertement pour la première fois devant un panel d'experts par le sénateur républicain Ron Johnson. Des médecins militaires ont dévoilé les chiffres officiels de la base de données de surveillance de la santé du ministère de la Défense. Par rapport à la moyenne des 5 dernières années, il en résulte pour l'année 2021. Premièrement, fausse couche chez les employés militaires, plus 300%. Deuxièmement, diagnostic de cancer, plus 300%. Troisièmement, maladie neurologique, plus 1000%. Quatrièmement, infarctus du myocarde, plus 269%. Cinquièmement, paralysie faciale, plus 291%. Sixièmement, infertilité féminine, plus 471%. Et septièmement, embolie pulmonaire, plus 477%. Ce sont les chiffres officiels du ministère de la Défense parmi le personnel militaire. Selon des lanceurs d'alerte, des médecins auraient été intimidés pour qu'ils étouffent l'affaire. En tant qu'humanité entière, nous dépendons donc maintenant de ces personnes courageuses qui ne participent plus au camouflage. C'est pourquoi seuls ceux qui se lèvent maintenant, publiquement, pourront monter dans les canaux de sauvetage du Titanic. Ceux-ci entreront dans l'histoire comme des héros. C'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui en premier lieu à tous les médecins avec cet appel urgent au réveil. S'il vous plaît, refusez catégoriquement de continuer à administrer ce vaccin. De plus en plus de médecins se lèvent. Au Canada, 33 000 médecins se sont levés qui refusent cette vaccination. Bien entendu, vous n'en entendez pas parler dans les médias. Aux États-Unis, j'ai entendu parler de 17 000 médecins. En Allemagne également, environ 500 médecins et thérapeutes ont déjà adressé une lettre ouverte aux politiciens pour s'opposer à toute discrimination des personnes non vaccinées et à toute forme d'obligation de vaccination. Le vent a tourné. Tôt ou tard, cette question sera posée. Pourquoi les médecins ont-ils participé? Mais qui informe les médecins si les médias de masse passent très, très largement sous silence ces taux d'augmentation gigantesques des dommages dus au vaccin, et ce, de manière toujours irresponsable? C'est pourquoi je ne cesse de le répéter, ces médias de masse, ils sont à sec. C'est là que se situe notre problème. C'est pourquoi j'adresse cet appel urgent au réveil à chaque spectateur qui regarde maintenant cette vidéo. S'il vous plaît, aidez-nous maintenant à mettre en lumière cette catastrophe vaccinale, car ensemble nous avons une portée bien plus grande que l'ensemble des médias de masse. Pour conclure, j'aimerais citer trois points concrets sur la manière dont chacun de vous peut soutenir cet appel au réveil. Premièrement, informez les médecins, car ils n'apprendront rien par les médias. Renseignez-vous sur les coordonnées des médecins de votre ville. Et faites en sorte que cet appel urgent au réveil, ces graphiques parviennent aux médecins, car ils ont une position clé pour arrêter immédiatement ces vaccinations irresponsables. Vous trouverez les documents et les liens sur www.cla.tv en dessous de cette émission. Deuxièmement, téléphonez à votre député de circonscription. Faites-lui parvenir ces chiffres prouvés publiquement pour que la menace de la vaccination obligatoire soit stoppée. Rejoignez cette action téléphonique commune. Troisièmement, diffusez cet appel urgent au réveil autour de vous, afin que le plus grand nombre possible de personnes en prennent connaissance, se mettent ensemble et se mettent en action. Pas seulement via Telegram, mais informez aussi des personnes qui ne sont pas encore au courant. Par exemple, des collègues de travail, des voisins, des parents ou des amis sportifs. Ensemble, nous allons mettre fin à cette expérience génétique de masse irresponsable. Ce sera comme un interrupteur qui s'allume et qui met en lumière tout ce qui a été dissimulé. Parce que si vous vous levez maintenant, il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Un point, c'est tout. J'ai terminé. Votre Klaus de Franconi. Franken.